Deutéronome chapitre 29. Ce sont ici les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël, au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux en Horeb. Moïse donc appela tout Israël, et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait en votre présence dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs, et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes, et ces grands miracles. Mais l'Éternel ne vous a point donné un cœur pour entendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai conduit durant 40 ans par le désert, sans que vos vêtements se soient envieillis sur vous, et sans que ton soulier ait été envieilli sur ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de cervoise, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous êtes parvenus en ce lieu-ci, et Sion, roi d'Hasbon, et O, roi de Bazan, sont sortis au-devant de nous pour nous combattre, et nous les avons battus. Et avons pris leur pays, et l'avons donné en héritage aux Rubénites, aux Gadites, et à la demi-tribu de Manassé. Vous garderez donc les paroles de cette alliance, et vous les ferez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Vous comparaissez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers, et tout homme d'Israël, vos petits-enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis ton coupeur de bois jusqu'à ton puiseur d'eau, afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, laquelle il traite aujourd'hui avec toi, et dans l'exécration du serment qu'il te fait faire, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple, et qu'il te soit Dieu, ainsi qu'il t'a dit, et ainsi qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob. Et ce n'est pas seulement avec vous que je traite cette alliance, et cette exécration du serment que vous faites, mais c'est avec celui qui est ici, avec nous aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, qu'avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Car vous savez comment nous avons demeuré au pays d'Égypte, et comment nous avons passé chez les nations, parmi lesquelles vous avez passé. Et vous avez vu leurs abominations, et leurs dieux de fiente, les dieux de bois et de pierre, d'argent et d'or qui sont parmi eux. Prenez garde, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, et qu'il n'y ait parmi vous quelques racines qui produisent du fiel et de l'absinthe. Et qu'il n'arrive que quelqu'un entendant les paroles de cette exécration du serment que vous faites, ne se bénisse en son cœur, en disant, « J'aurai la paix, quoique je vive selon que je l'ai arrêté en mon cœur, afin d'ajouter l'ivrognerie à l'altération. » L'Éternel refusera de lui pardonner, la colère de l'Éternel et sa jalousie s'enflammeront alors contre cet homme-là, et toute l'exécration du serment que vous faites, laquelle est écrite dans ce livre, demeurera sur lui, et l'Éternel effacera le nom de cet homme de dessous les cieux. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour son malheur, selon toutes les exécrations du serment de l'alliance qui est écrit dans ce livre de la loi. Et la génération à venir, vos enfants qui viendront après vous, et le forain qui viendra d'un pays éloigné, diront lorsqu'ils verront les plaies de ce pays, et ses maladies, dont l'Éternel l'affligera, et que toute la terre de ce pays-là ne sera que soufre, que sel, et qu'embrasement, qu'elle ne sera point semée, et qu'elle ne fera rien germer, et que nulle herbe n'en sortira, ainsi qu'en la submersion de Sodome, et de Gomorre, et d'Adma, et de Tseboïm, lesquels l'Éternel détruisit en sa colère et en sa fureur, même toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? Quelle est l'ardeur de cette grande colère? Et on répondra, c'est à cause qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel le Dieu de leur père, laquelle il avait traité avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Car ils s'en sont allés, et ont servi d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, devant ces dieux qu'ils n'avaient point connus, et aucun desquels ne leur avait rien donné. À cause de cela la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays, pour faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de leur terre en sa colère, et en sa fureur, et en sa grande indignation, et les a chassés en un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les paroles de cette